Raconte pas de bêtises, tu sais que je maîtrise. Si vrai que mon père aurait du jouer aux bêtises. Dans ta bouche en piste, t'en reste en piste. Prenez à rapper avant de vous dire vrai M6. Il faut que je persiste, il faut que j'insiste. C'est moi le plus charmé, c'est ce que les mecs disent. Et je vois qu'on est hâte, mais pas sur la liste. Ces enfoirés de place et brouillent les pistes. Yo, tu fuck qui? Hein, tu fuck qui? C'est Gold qui te fuck à la façon funky. Mon équipe prend des risques, pèse dans le vide. Fume d'esprit, fenique la police. Préparez la tease. Ma team a soif, c'est ça, t'as tout compris. Paye en liquide, c'est la folie. On est ta phobie, c'est juste de la jalousie infantile, faut le dire. Le Fennec, escrew, POS. Check. Le flow part de Paname pour s'associer au FARC du Luxembourg. Un rap de luxe encore, gaulerie comme une sortie de bus en cours. J'ai plus de 100 coups pour dépoter avec le ALS, POS, FJ Gaudier, MC Côté, ALLS, ALLS, pose les plus balèles, boss, balèles, faux, jusqu'à au palais des expos. Rien à foutre du paraître, pas des vendeurs de barrettes, MC Barré, rien ne m'arrête. Vend des plaques et de belles maquettes, rentre en claque et en boîte. Se fait payer les consos, assemblage de consonnes qu'on sort pour remplir la quête. Nos claguettes même sur la côte imposent nos ganaches de parigo. Au mic on cravache un tas de rivaux, conserve le panache par ego. On part égo, ça paraît beau, on part d'égo. De ce qu'on sort, on se concerte dans ce concert. Le POS comme sponsor, on lâche des grosses bombes sur les flots racis et les racistes. Tu pas une fausse blonde, je peux pas oublier mes racines. Bande de rappeurs, de rappeurs obsédés par la vie. Prends de l'ampleur, en évitant la frise. Tu vas trop kiffer, trop. Tu vas bande de rappeurs, obsédés par la rime. Tu vas trop kiffer, trop. Ça prend de l'ampleur, en dessous de chez toi. C'est une bande de rappeurs qui va rester jusqu'à tard. Si ça t'ennuie, barre-toi ou je sais pas. Dis-leur qu'ils se trompent, qu'ils sont distraits, qu'on est trop hal. T'es ma quand le chromis se branche, que Nickel K trouve la patience de capter ce bout de tuerie au milieu de ce tas de sang, des tas de sons. Mais quand celui du voix se claque, t'es pas le seul à bouger la tête. T'es dans la salle, l'ambiance est palpable. Normal, c'est le point, j'ai les mecs de Paname. Et toi, t'as quoi? Un morceau ou deux? Pas mal. Tu veux me clash en freestyle? T'es pas gaffe, passe-moi une dalle. Des fausses prennent des claques, mais toi tu kiffes la vibe. Ne traîne pas dans mes pattes si tu n'as pas de style ou pas de flow. Pas d'éthique, que t'es pathétique ou que t'as pas les crocs. Mon équipe s'exporte, avec ou sans escorte, on met le score. Oh, tu lèves les mains à chaque morceau. Pour me taper, j'ai pas les dorsaux, c'est clair. Mais j'avance, perce, sévère et perce, des vers sévères. Car mon équipe tape sans cesse, même s'il se fait tard en caisse. 15 poteaux dans une pièce, en flagrant délit de grotesque. Je déteste ceux qui se plaignent, mais ne font rien de faux. On trim, agrippe les microphones, éclate les FM stations. Le voisin me guette, scandalisé par le phrasé. Je rappe sous ses fenêtres jusqu'au jour où je me ferai gazer. OS, progression, à marche forcée. Transgression en session, je reste le MC encensé. Bande de rappeurs dans un délire fédérateur. Toujours relax, donc monte le volume, n'aie pas peur. Bande de rappeurs, obsédés par la rime. Ça prend de l'ampleur en évitant la prime. Bande de rappeurs, obsédés par la rime. Tu vas trop kiffer, tu vas. Ça prend de l'ampleur. Ça, tu vas trop kiffer. En évitant la frise. Tu vas trop kiffer. Reste bien. Faut rester bien. Bien, très bien. Canard. Seigneur. Yeah, yeah. Je suis chaud là. Je vais poser ça. On enregistre alors. Allez, c'est bon. Hey yo, quoi de neuf Luxembourg? Bien? Bande d'enfoirés, va. Vas-y, mange-toi celui-là dans les dents. Quand je déboule, le rap tu redécouvres. Quand je lourd en note comme dans un cours, comme dans un tour de magie, j'y comprends rien. Genre des bédos de mon chapeau marre des lapins. Père Noël, oublie pas mon 25 sous le sapin. Moi plus rien ne me choque, je suis sûr que le pape dort en satin. Sur le micro, je tape des retournées à la papin. Je suis def, il est minuit, j'ai l'impression que c'est le matin. Bouteille, sac plein, stylo, cahier. Je te fais un putain de truc qui va faire parler toutes ces catins. Original Godier, des comme moi, y'en a pas un. Continuez de copier l'un sur l'autre pendant que je réinvente cette merde. Si c'est la guerre des mots, je suis armé jusqu'aux dents. Je tue toute ta clique, pépère assis sur un banc. Ne me remercie pas, je fais juste mon taf. Tu dois être mal habitué, entouré de tous ces moines. Je suis armé jusqu'au temps, le calme jusqu'au banc. Si c'est la guerre des mots, je suis armé jusqu'au temps, le calme jusqu'au banc. Dis quoi, j'arrive à la Chico et j'accélère. Fonde le casque, monte les basses, ramène un putain de cabine XLR. Qui t'énerve, construite les bacs, qu'on fasse les cartes, construite les cartes S. Ce faux de bâtard qui te pique, qui te pousse, qui te teste. Laisse, laisse pas de baguette, tu vas te blâmer, je te le confesse. Pourquoi tu contestes? C'est codé le point, j'ai qu'est et la comète. J'arrive à toute vitesse, ça fait pas le boss, ça fait pas les possibilités de faire de la sorte. T'inquiète, complète les portes, t'es coincé, va pêcher une corde, va sauter du pont, jette-toi les veines. Meurs, ou c'est d'un couple que je t'envoie direct à la mort. Sans passer par la case départ, mec. Sans toucher les 20 000, mec. Godier le poinge, Luxembourg, si c'est la guerre des mots, je suis armé jusqu'au temps, le calme jusqu'au banc, si c'est la guerre des mots, je suis armé jusqu'au temps, le calme jusqu'au banc, si c'est la guerre des mots, je suis armé jusqu'au temps, le calme jusqu'au temps, je suis armé jusqu'au temps, si c'est la guerre des mots, je suis armé jusqu'au temps, le calme jusqu'au temps, mec, c'est armé jusqu'au temps. T'es pas le seul à te sentir seul, mec. Thank you. sam tu sa svojom sagom da bi igrao sa stragom. Čiko čeka na sradnja snica za i sa Chicagom. To ti inženjeri, spirit nekak djebela. I nismo scena jer unikat ne paše među fušera. Jer nestaju talenti, tu su kiči delinkventi. Što jednako je uspjeh jer su jeftini pacijenti. Lux City absolventi od hip-hopa do jazza. Umjetnost ko indeks, iritirana su djeca, njima influenza. To što vidimo na retro, al svako dođe tobe pa uživa uz metro. Da, to je taj fanatik, misteriozan kolonatik. Rap način diplomatik, začin je frenchmatik. Inače u dure na kanalu, 2-7 s Argentincom. Dižem skalu, onu zgamđu ja uz šalu. Posle ganjamo ideje, onu zgamđu ja uz laso. Paranoja raznih boja, kreativna ko Picasso. Vrijednija naprednija, ne bi stvarao tenziju. Al dok nivo dekodiraš, mi primat ćemo penziju. Kolač Argentino, klasika u novoj eri. Proleteri, pogled gore, drago mi je nebo deri. Gringo želi respekt, manage i cash i bingo. Pruži skill, ima da te voli i da voziš Twingo. Ja vozim krš od auta, za hrđanu korzu. No ipak lov me ide kada prošetam na korzu. Maske bacite u vreće, hip hop je umijeće. Izdigni se iznad mase, što fura križe smeće. Buraz bježi od demona, želi mijenjat naviku. Sluh uz intermeco i osjetit ćeš razliku. On calme le truc, pose ton huc, dose ton chou. Dédicace le grand duc. Ils ont la thune et la trouille, on a le talent et les couilles. La jalousie a mis ses talons pour être grande, ben elle a pris les coups. Coupe le fil que tu tiens, attrape ma corde. Le bong, le poing, ça défonce même si tu n'es pas d'accord. Hardcore, le monde dans lequel on vit, tu trouves pas. Difficile d'y voir clair quand même les coups se parlent. Et moi je te le dis en toute honnêteté, j'en ai rien à foutre. Je crois en ma musique même quand y'a rien à se foutre sous la dent. J'arrive sous la dent, bédo, dans le bec en Edo. Tape plein vite, je fais mal comme un jack sec. J'écris plus vite que mon ombre, j'envoie les MC dans leur tombe. Contre toute attente, tout à prendre, rien à perdre. Toi t'as perdu ce que t'as pris. Quand moi j'ai le mic, à quoi tu sers? À que dalle si ce n'est à bouger ta tête comme un pigeon. V'là le flow des deux cums, qu'on dise et dis gens. À chiper, à choper, remballe ton rap de poupée. L'élan que tu voulais prendre, on l'a coupé. Tout à prendre, rien à perdre. Nous, on a pris ce que t'as voulu prendre. Tout à prendre, rien à perdre. Yeah. Ce que tu voulais prendre, on l'a pris. Ce que tu voulais prendre, on l'a pris. Rien à perdre, tout à prendre. Ce que tu voulais prendre, on l'a pris. Tout à prendre, rien à perdre. On a pris ce que t'as voulu prendre. Tout à prendre, rien à perdre. Ce que tu voulais prendre, on l'a pris. Rien à perdre, tout à prendre. Ouais, comment tu me parles, putain, plus jamais tu me dis ça, tu vois, plus jamais. Le gars, le jour d'après, il dit excuse-moi, trois cafés s'il te plaît, un pour moi, un pour toi et un pour ta mère la pute. Le barman, il lui met une grosse patate, bah, en plein dans le nez, comme ça, le gars il tombe et tout, il revient le jour d'après avec le nez défoncé, un gros plâtre. Il dit bonjour, je voudrais deux cafés, un pour moi, un pour ta mère la pute, parce que toi le café ça te rend un peu nerveux, je crois. Genre, c'est une meuf, elle arrive comme ça dans, pour se confesser, tu vois, à l'église, comme ça, et elle va voir le curé, comme ça, elle lui dit il faut que je me confesse parce que franchement, je suis tombée sur un gars, c'est un enculé de sa race. Et le prêtre, il dit, attendez, madame, pourquoi c'est un enculé de sa race? Je suis sûre que c'est pas un enculé de sa race. Ouais, mais lui, par exemple, il mettait souvent sa main sur ma cuisse. Écoutez, madame, regardez, je mets ma main sur votre cuisse, je suis pas un enculé de ma race. Ouais, mais lui, il montait. Mais écoutez, madame, je monte, je suis pas un enculé de ma race. Ouais, mais lui, des fois, il me doitait. Écoutez, madame, regardez, je vous doite, je suis pas un enculé de ma race. Ouais, mais après, lui, il me violait. Écoutez, madame, je vous viole, je suis pas un enculé de ma race. Ouais, mais lui, il avait le sida. Ouais, l'enculé de sa race. c'est un couple, comme ça, tu vois, ils vont fêter leur lune de miel à Paris. Et donc ils arrivent devant la Tour Eiffel, waouh, Tour Eiffel, trop fort, waouh. Ils sont là en train de mater, en train de prendre des photos, et tout à coup, ils voient comme ça un gars tout au-dessus de la Tour Eiffel, tu vois. Et il est là comme ça, dans le vide, et tout à coup, il se jette. Il se jette dans le vide. Non, il va s'écraser, il va s'écraser, il va s'écraser, il va s'écraser. Bien, et le gars, il arrive comme ça, hop, et il marche comme ça. Il marche, tu sais. Il s'écrase même pas, tu sais, il marche. Normal. Oh non, trop fort. Ils vont le voir, c'est un vieux gars comme ça, tout dégueu comme ça, avec un vieux truc tout crade, avec une espèce de manteau comme ça, tout long, tout crade. Putain, comment vous avez fait ça, monsieur? C'est facile, il dit le gars. Vous allez au bar de la Tour Eiffel, tout en haut, vous prenez 50 tickets là, une après l'autre. Vous sautez, vous marchez, je vais vous montrer encore une fois. Le mec, il remonte, il boit 50 tickets là devant le gars. Hein. Le gars, il est là et tout, il se jette. Ouah, putain, il va tomber, il va tomber, il va tomber, il va tomber. Ah, le gars, il marche normal, mec, il tombe même pas, il marche comme ça. Putain, le gars, il dit, je vais impressionner ma femme, tu vois, il vient de se marier et tout. Il va au bar tout en haut de la Tour Eiffel. Il a bu 8 tequilas, il en peut plus, déjà le gars, tu vois. Genre, hey, il boit, il arrive à 40, 50, il est torché, moche. Il va au-dessus de la Tour Eiffel. Il se jette comme ça, ouais. Bam! Par terre, moche, le gars, il s'écrabouille la gueule, un truc de malade. Et genre, le barman, tu vois, il sort comme ça de la Tour Eiffel. Le barman, tu sais, d'en haut de la Tour Eiffel, il sort, il va voir le clochard, il lui dit, putain, Superman, quand t'es bourré, tu dis vraiment n'importe quoi, hein. Oh!